L'orientation. S'orienter dans l'espace sonore, c'est déjà voir ce que l'on entend. Inversement, s'orienter dans l'espace visuel, c'est peut-être davantage entendre qu'on ne l'imagine. Le critère de l'orientation, toujours appréciable, apparaît sous trois formes principales. La latéralité, d'abord, désigne la distinction entre la gauche et la droite. Distinction qui peut être surdéterminée par les effets de la stéréophonie. La frontalité, ensuite, désigne la distinction entre le devant et le derrière. Distinction qui est au contraire sous-déterminée par l'enregistrement. La verticalité, enfin, désigne la distinction entre le haut et le bas. En principe inaudible acoustiquement, les indices sémantiques de la verticalité sont pourtant fréquents et permettent notamment d'identifier les situations de belvédère, ou celles que nous appelons parfois des situations de belsonnaire. Dans l'exemple suivant, l'effet de reprise du thème ascendant de l'orgue aigu et altier par l'accélération d'une moto dans la rumeur grave et prosaïque de la circulation vient en quelque sorte surdéterminer le rapport de verticalité ou de domination entre l'église et la ville.